franceinter.fr. Bonsoir. Aujourd'hui débute le Festival d'Avignon. Et à l'occasion du 70e anniversaire de ce grand festival, nous avons décidé de rediffuser la radioscopie du 2 novembre 1968, où Jacques Chancel recevait Jean Villard. Malheureusement, le début de cette archive sonore n'existe plus, la bande magnétique étant trop abîmée. Et quelques minutes après le début de l'émission, Jacques Chancel demandait à Jean Villard d'où lui venait cette vocation de comédien. Dès que j'ai assisté à la première répétition. Et vraiment, si la question de vocation intéresse les auditeurs, vous sûrement, intéresse oui. vous-même, je suis un de ceux qui n'aient pas eu conscience de sa vocation jusqu'à l'âge très exactement de 20 ans et quelques mois. C'est en allant assister à une répétition, tout à fait fortuitement, que j'ai compris que c'était là mon métier. Et de Charles Dullin. Avant, la veille, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et de Charles Dullin, vous disiez, vous dites sûrement encore, c'est peu de dire que nous lui devons beaucoup, nous lui devrons toujours. Toujours, oui, je pense. Car c'est un maître. C'était un maître, un exemple. Assez peu et un exemple. C'est assez peu théoricien, parlant assez peu, tout au moins à ses élèves, mais la moindre de ses phrases avait évidemment pour ses élèves un poids considérable. Elles étaient justes, elles étaient jamais sans aucune acrimonie, aucune dureté. Je ne l'ai jamais vu décourager profondément quelqu'un. Je pense qu'il attendait de la vie de décourager les artistes. Il n'était pas comme... Il n'obéissait pas, si j'ose dire, au mot de Degas, il faut décourager les arts, n'est-ce pas ? Et sous-entendu, les artistes, les mauvais. Non, pas du tout. Nous lui devons beaucoup parce que, vraiment, c'est une vie qui a été à contre-courant. On a parlé souvent de ses dettes, mais c'est un homme qui est encore un exemple et le restera toujours parce qu'il a su concilier à la fois, et nous n'avons pas toujours su le faire, nous tous qui sommes venus après lui, avec presque rien, avec vraiment très peu de moyens, et cela presque jusqu'à la fin de sa vie, faire quelque chose de beau et qui soit à la fois un divertissement et une leçon. Et en même temps, il a su concilier, deuxième point, ce qui n'est pas toujours facile pour un chef de troupe, il a su concilier dans son répertoire, le très grand répertoire du passé, depuis les Grecs, puisqu'il a monté des Aristophanes, Shakespeare, Calderon, etc., Goldoni, jusqu'aux auteurs de son temps. N'oublions pas que c'est Dullin qui a joué, et en pleine période de l'occupation, la première pièce de Sartre. C'est considérable. Très considérable. De la même façon que l'on oublie que c'est Jouvet qui, le premier, a joué une pièce de Genet. Jean Villard. C'est beau, n'est-ce pas ? Je crois que chacun d'entre eux, l'un et l'autre, Edoulin et Jouvet, avaient 60 et peut-être, à peu près 60 ans. Et toujours aussi jeune. Oui, tu avais cet esprit-là. Je crois que, je me fais le reproche personnellement quand je me compare à ces grands maîtres et à mes maîtres, donc. Je trouve que lorsqu'on étudie leur vie, lorsqu'on regarde leur programme maintenant qu'il est définitivement clos et terminé, je pense que cela est un très bel exemple. En autre tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de vos amis, laquelle est votre vraie nounou,

Vous êtes femme n'est pas comédienne, n'est-ce pas? Oui, vous êtes de ceux qui font croire qu'un comédien peut se marier. Ah oui, voyons, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais voyons. Et puis il y a le divorce, si ça ne marche pas, n'est-ce pas? Voyons. Le divorce a arrangé bien les choses. Je ne suis pas divorcé, je vous rappelle. Je le sais. Ensuite, on va en arriver à des choses beaucoup plus concrètes, car vous fondez votre première compagnie. Oui, là aussi encore, je pourrais vous dire qu'en ce qui concerne les vocations, c'est pour moi très troublant. Enfin, c'est une notion très troublante pour moi. Car quand je suis rentré dans la roulotte, vraiment, je n'avais pas l'intention de devenir chef de troupe, ni même metteur en scène. Ce sont les choses qui ont fait que je suis devenu metteur en scène, que, mon Dieu, il y a eu un jour où je ne me suis plus entendu avec André Clavé, bien que nous ayons conservé toujours de très bons rapports, et j'ai, comme on dit, fondé ma compagnie, à la vérité. J'ai décidé de grouper, comme nous faisons tous, deux ou trois comédiens, enfin, je n'ai pas dépassé trois comédiens, je l'ai majestueusement appelé, non pas la compagnie des trois, mais la compagnie des sept, à la vérité, nous étions trois, quatre au plus, et nous avons monté la danse de mort qui, en fait, ne comporte que trois personnages plus un tout petit personnage, deux tout petits personnages qui peuvent être faits par une jeune camarade qui passe. Vous étiez ambitieux ? Certainement, je dois l'être. Voyez-vous, je trouve que nous avons tous de l'ambition. Ceux qui disent « moi, je n'en ai jamais eu » ou « ça m'est égal », mais bien sûr, voyons, chacun dans son métier. On y sait, même fut-il le métier le plus banal. Je crois que l'ambition est une... je ne dis pas l'orgueil. L'ambition est une chose légitime et même nécessaire. Oui, pour les gens de sept... Seulement, il ne faut pas que l'ambition vous pousse à marcher sur votre père et mère, enfant, femme et etc. Oui, pour les gens de sept, comme vous, c'était important de réussir à Paris. Oui, longtemps, Paris est resté pour moi une ville, je ne dirais pas étrangère, certes. Mais enfin, la ville de mon pays, mais que j'aimais, que j'admirais, que tout ce qu'on voudra. Mais si je peux reprendre le mot, enfin, une sorte de ville étrangère, et une ville très difficile. Et je puis dire qu'il y a très peu de temps, enfin, donc j'ai 56 ans passés, depuis l'âge de 20 ans, je suis à Paris en dehors des questions de service militaire, de maladie, etc., ou d'Avignon. Eh bien, je puis dire que c'est depuis peu que j'ai accepté physiquement, médicalement, puis-je le dire, Paris. C'est monstrueux comme ville. Oui, ce qui me manque à Paris, c'est la lumière, c'est l'air. C'est pas seulement que l'oxygène. C'est plus encore que l'oxygène, c'est la lumière. Jean Villard, est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez pu faire une autre carrière? Par exemple, vous jouiez dans Les Portes de la Nuit. Vous auriez pu faire une grande carrière d'acteur de cinéma. Je ne sais pas si j'aurais pu faire une grande carrière d'acteur de cinéma, mais je pense que j'aurais pu faire une carrière de cinéma, oui, bien sûr. De toute manière, je ne vous le reproche pas. Attention, c'est un tout autre style. Et peut-être, je dis cela un peu trop légèrement. Ça n'est pas une raison parce qu'on a fait un certain travail au théâtre pour que un certain travail aurait pu être fait dans le cinéma. Il y a tout d'un coup, à l'usage des films, une sensibilité qui se fait, qui prouve que vous êtes vraiment un interprète du cinéma, plus qu'un interprète du théâtre. Je sais bien que Gérard, Philippe l'a prouvé, on peut être à la fois les deux. C'est assez rare. Je crois qu'à un moment donné, il faut choisir. Et peut-être Gérard, avec l'âge, il nous a quittés à 37 ans, n'est-ce pas, ce qui est un âge extrêmement jeune. Peut-être aurait-il choisi lui aussi. Donc peut-être n'aurais-je pas fait une bonne carrière de cinéma. Je pense que si le cinéma avait été mon démon, alors le théâtre a été ma préoccupation, je pense que si je n'avais pas pu faire... interprète devant la caméra, je me serais débrouillé pour être derrière. Je ne veux pas dire comme metteur en scène, mais n'importe quoi, caméraman. Si on a ce métier-là dans la peau, on le fait, n'est-ce pas? De toute manière, nous n'aurions peut-être pas eu Avignon et le TNP. Vous auriez peut-être eu un cinéma populaire français. Je vais te chanter l'opéra des jours heureux. Au coin d'une rue, rien que pour nous deux. Sans un musicien pour m'accompagner dans mon refrain, sans un comédien pour réciter ton rôle et le mien. Je vais te chanter la chanson des jours heureux, avec pour décor le ciel dans tes yeux. Je ferai briller 100 000 lumières d'un seul éclat pour illuminer la ville entière tout autour de toi. Tourne manège, chasse la neige, l'hiver s'en va quand je chante pour toi. Quand ma romance vers toi s'élance, le cœur me bat jusqu'au bout de mes doigts. Les gens s'arrêtent et se répètent cette chanson qu'ils ne connaissent pas. Et mon poème devient rengaine avec des mots que j'invente tout bas. Écoute-moi, le lilas sera toujours le lilas. Crois-moi, tant qu'on s'aimera, il nous reviendra. Tant que les amants goûteront le goût du temps perdu, il refleurira un peu partout au hasard des rues. Deux fois un fond de ton cœur et mon cœur, c'est mieux, ne font à eux deux qu'un seul grand bonheur. Et ça durera tant que tu voudras, tant que ta voix unie à ma voix chantera cette chanson-là. Mon opéra des jours heureux, mon opéra des jours heureux. Radioscopie, Jacques Chancel, Jean Villard. Tout à l'heure, Jean Villard, en terminant une phrase, vous avez dit « cinéma national populaire ». Et je dois dire que mon oreille s'est dressée. Vous y avez pensé ? Non, du tout. Mais vous m'avez un peu poussé dans mes retranchements et je me suis défendu en vous disant si je n'avais pas fait de théâtre, aurais-je fait du cinéma. Et de retranchement en retranchement, me sentant vaincu, ou en tout cas poursuivi par vos attaques, je vous ai dit, ben peut-être aurais-je fait un cinéma national populaire. Maintenant, à vous dire comment, c'est tout de même un autre problème. C'est tout de même une boutade. Puisque c'est même un paradoxe, dans mon sens. Le cinéma est déjà populaire en soi. Enfin, bon, il y a les salles d'exclusivité qui sont tout de même assez chères. Pendant toute la période où j'ai dirigé le TNP, les salles d'exclusivité étaient au moins aussi chères que les prix les plus élevés des places au TNP. Donc, ça n'est pas toujours très bon marché. Mais disons que sur l'ensemble du territoire, tout de même, le prix des places du cinéma fait qu'il est un art populaire. Un art. Un cinéma national populaire. Une activité populaire. C'est-à-dire un CNP, vous paraît-il nécessaire en France ? Oui, bien sûr, mais je crains que ce ne soit qu'un mirage, tant que la société n'aura pas changé. Je crois que pour changer vraiment les structures du cinéma, vous voyez que j'avance lentement, n'est-ce pas, en hésitant beaucoup. Ben, je crois que pour changer vraiment le cinéma, si on veut vraiment faire un art populaire, une production populaire aussi, changer ses structures, cela ne peut se faire qu'en changeant les structures de la société. Ne me demandez pas comment, par exemple. Alors tout de même, ça dépasse mes moyens, mes connaissances et compétences. Bon, alors Jean Villard, nous en revenons à une autre date. Il s'agit de 1947. On vous propose de jouer pour... pour un seul soir, Meurtre dans la cathédrale, mais voilà, on vous propose de le jouer en Avignon, et tout part de là. Oui, et ma première réaction a été de dire non, vraiment. Aller jouer Meurtre dans la cathédrale, que j'avais joué l'année précédente, enfin qu'on avait terminé en 46, donc l'année qui précédait, pour une seule représentation, d'autres, non. De plus, je n'avais pas les droits, puis aller quoi, jouer, donner une représentation là-bas, non. Seulement, ça fait son petit travail, voilà. Alors que et cinq ou six jours après, je suis allé voir celui qui me l'avait proposé, qui m'avait fait cette proposition, qui n'était ni un directeur de théâtre, ni un impresario, ni un avignonnais d'ailleurs. C'était Christian Zervos, le directeur des éditions d'art, grand ami de Picasso, enfin, grand collectionneur de tableaux aussi. Et je suis allé le revoir pour lui proposer non pas une représentation, mais trois pièces différentes, trois pièces inédites, et à jouer au moins sur sept soirs. Ça dépassait ses possibilités financières, et presque tout de suite, après une demi-heure ou trois quarts d'heure de conversation, il m'a envoyé, il m'a dit, mais je suis lié de bonne amitié avec l'actuel maire d'Avignon, le docteur Ponce, et si vous voulez, je peux vous faire un mot pour lui. Le mot a été fait. Quelques jours après, j'ai pris le train, troisième classe, pour Avignon. J'ai vu le maire, le premier adjoint, et voilà. Et puis ça a démarré ainsi. On peut dire que le Festival d'Avignon a été créé de cette manière-là. Ah oui, vraiment, pas autrement. Enfin, ensuite, il a fallu le créer proprement dit, c'est-à-dire il a fallu trouver des acteurs, il a fallu que les comédiens travaillent, acceptent de travailler dans certaines conditions, des peintres, des électriciens, toute une équipe. Et d'ailleurs, je dois dire que 22 ans après, un des très beaux souvenirs de ma carrière, c'est l'attitude, non pas seulement des peintres, à la vérité, il y avait deux peintres que je connaissais bien, Gisquia et Prassino, c'est soit, alors bon, ça a marché tout de suite, mais les comédiens qui vraiment étaient payés très peu, et certains étaient déjà des comédiens connus, ou bien des comédiens extrêmement connus, comme Béatrice Dussane, n'est-ce pas, mais Alain Cuny, Michel Bouquet, Sylvia Montfort, Germaine Montero, d'autres, je pense, les autres étaient très jeunes, Negroni par exemple, bon, eh bien, j'ai un très beau souvenir, et c'est pas sentimental du tout, vous savez. Je n'ai eu aucune difficulté de contrat. Ils ont vraiment joué la partie comme une aventure. Et je crois que chaque fois qu'on propose quelque chose qui est vraiment une aventure à des comédiens, je dis à des comédiens, eh bien, ils marchent. Oh, si vous leur proposez une aventure dans Paris, bon, peut-être vous feront-ils des difficultés de contrat. Et ils ont raison. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, si j'ose dire, ça paraît drôle, qui ne paraît pas normal, qui est hors des coutumes, hors de la tradition, on a les comédiens vous suivent, et pas seulement ceux de 20 ans, peut-être même surtout ceux qui ont plus de 40 et de 50 ans. Je suis persuadé, Jean Vilar, que vous n'auriez pas eu la même chance si vous aviez fait appel, par exemple, mettons que ce soit aujourd'hui, à des gens comme Louis de Funès, Jean Gabin. Mais forcément, parce que des hommes comme Louis de Funès ou Jean Gabin, ce sont des hommes qui ont déjà un travail et qui ne peuvent pas se sortir d'un emploi du temps. Mais quand savons-nous? C'est vrai, c'est le point d'interrogation, en fait. Bien sûr. Au fond, ne parlons pas de Gabin et de Funès, mais parlons de Gérard. C'est Gérard qui est venu lui-même me dire « Je souhaite travailler avec vous ». Bon, il savait très bien que je n'avais pas de théâtre. Bon, ben... Vaguement, il y avait... Pas vaguement, non. Il y avait tous les ans une dizaine de représentations à Avignon. Il a dit oui. Écoutez... Je pense que de Funès ou Gabin, s'il voulait faire la même chose, se débrouillerait pour le faire. Jean Vilar, vous venez de me parler de Gérard Philippe, qui s'est joint à votre troupe, et on va se faire plaisir. Si vous voulez bien, on va l'écouter dans une scène avec Michel Simon. T'as peur de trinquer avec moi, hein? Je n'ai peur ni de toi ni de ton maître. À ta santé. Je vois clair dans ton jeu, tu sais. Tu vas me persécuter jusqu'au jour où je te vendrai mon âme, n'est-ce pas? Eh bien, discutons le marché. Que me proposes-tu? Au lieu d'une longue vie misérable, une longue vie de félicité. Je t'aiderai à devenir l'homme le plus riche, le plus puissant. Et si je n'accepte pas? Alors tu me mettrais dans un cruel embarras. Le véritable enfer existe sur la terre. C'est la misère, la solitude, la méchanceté des hommes. Ainsi tu crois me tenir. Tu oublies qu'il existe un moyen d'échapper à ta contrainte. Lequel? Je n'ai qu'à suivre cette pierre. Pourquoi ne le fais-tu pas? Ainsi, tu obtiendrais mon âme à bon compte. Non, mon cher démon, non. Ce serait te rendre la tâche trop facile. Tu feras ce que tu voudras, mais j'accepterai mon sort sans faiblir. Vous croyez avoir gagné. Voilà qu'il m'échappe encore. Oh, grand Lucifer! Inspire-moi! Je ne suis qu'un démon de deuxième classe, tu le sais. Je fais ce que je peux. Mais cette âme n'est pas commode à saisir. On ne sait par quel bout la prendre. Jean Villard, c'était un extrait de La beauté du diable. C'était simplement pour se faire plaisir parce que nous avons réécouté Gérard Philippe. Et je crois que vous êtes le seul qui sachiez vraiment parler de Gérard Philippe, et j'aimerais beaucoup que vous m'en parliez. Et je voudrais vous dire tout de suite une chose en ce qui concerne cet enregistrement du film de René Clair que vous venez de donner, dont le titre est La beauté du diable. Mais ça, c'est ça, oui. Et bien, ce qui vient de me frapper à l'écoute de ce passage d'un film, c'est que, forcément, évidemment, c'est une lapalissade d'ailleurs. Il avait, comme tous les acteurs qui jouent au cinéma et au théâtre, il disposait de deux voix. Ça n'est pas, je n'ai pas reconnu, j'ai reconnu la voix de Gérard, quoi, si vous voulez, la présence de Gérard, mais ça n'est pas la voix de Gérard que je conserve dans l'oreille au théâtre. La voix de Gérard au théâtre est une voix de baryton léger, n'est-ce pas ? Une voix admirablement bien placée. Une diction tellement précise, tellement juste, plus exactement, qu'on ne sentait pas qu'elle l'était. Et pour revenir donc à ce passage du film que vous voulez me faire entendre, c'est pour moi un autre Gérard que je viens d'entendre. Un Gérard que je reconnais, je le répète, mais qui n'est pas celui avec lequel j'ai travaillé. Bon, nous allons revenir en 1951, c'est encore la période Gérard Philippe, car en 1951, je crois que c'est en août, vous devenez le directeur du TNP. Et là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Oui. J'ai été exactement... Jeanne Laurent, alors directrice du théâtre, à ce que l'on appelait alors les Beaux-Arts, c'est-à-dire les affaires culturelles d'aujourd'hui, m'avait plus ou moins au cours du... après une représentation, parlé, et m'avait dit, voilà, on pourrait peut-être vous demander de vous occuper des questions de théâtre populaire, au pluriel, mademoiselle. Eh bien, je ne dis pas non, mais à Paris. Effectivement, à ce moment-là, il y avait toutes les créations qui étaient faites des centres d'art dramatique qui ont rendu les grands services que l'on sait, n'est-ce pas, admirables. Et je m'occupant d'Avignon, je voulais continuer ma tâche à Paris, où je pensais qu'il y avait eu un travail considérable à faire. Et c'est d'ailleurs dans le courant de août et de septembre, donc j'ai été nommé à partir du 1er septembre, et disons que tout de suite, je me suis aperçu que ma petite idée de centrer un travail théâtral populaire sur Paris était aussi valable, sinon plus nécessaire peut-être, aussi nécessaire, pardon, que de, comment dirais-je, défrichement qu'un travail culturel en province. Car ce qu'il y avait à faire en 1951, non pas seulement dans Paris, mais autour de Paris, sorti du triangle bourgeois de la Madeleine, Opéra Saint-Lazare, était considérable. On ne voit pas que ce qui était. Vraiment, passer la porte de Clignancourt, passer la porte d'Orléans, passer toutes les portes de Paris, et même avant, c'était le désert. Vraiment le désert. Nous sommes allés pendant toutes ces premières années en banlieue, et nous ne jouions pas un soir, n'est-ce pas? Nous ne jouions pas le samedi et le dimanche, nous nous établissions en banlieue. Pourquoi est-ce que je dirais tout le temps la province? On dit maintenant dans la périphérie. Oui. Enfin, vous savez, Suresnes était beaucoup plus loin que ce qu'il l'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Clichy l'était beaucoup plus. Gennevilliers, Choisy, etc. Et on connaît bien ce qu'a fait le TNP, qui est remarquable, mais vers 1953, vous avez eu quelques ennuis. C'était l'hiver. Et il y a un fait très significatif, et c'est une anecdote qui me paraît très touchante. Tout allait très mal, et un lundi de Pâques, Gérard Philippe vous a apporté un œuf de Pâques. Et à l'intérieur de l'œuf, il y avait tous les contrats renouvelés de tous les comédiens. Je trouve que c'est l'une des plus belles choses dans le monde du théâtre. Oui, ça allait mal à cette époque-là. Nous étions attaqués de tous les côtés, politiquement, financièrement. Je volais l'argent de l'État, j'étais un sale coco. Enfin, tout ce qu'on voudra, tout y passer, n'est-ce pas? Mais vous avez été attaqué par le Parti communiste, à une certaine époque. Non, soyons, être franc, exactement. Pour la mort de Danton. Attaqué par les journaux d'extrême-gauche, et notamment les journaux et revues communistes, autour de la mort de Danton, mais spécialement sur une pièce, particulièrement sur une pièce. Je peux dire que, sur le plan profond de la politique culturelle que je menais, à aucun moment, soit un conseil municipal, soit un écrivain communiste, soit un militant communiste, nous a reproché quoi que ce soit. Vous savez, Jean Villard, en matière de théâtre, il y a des respirations. Oui. Alors nous allons en prendre une. Les bergers de la langue qui entendent la chanson des pipeaux. Ma mémoire s'en va sous les pins où je rêve. Je n'entends plus mon pas où craque le bois mort. Je n'entends plus l'écorce qui gonfle sous la sève. Ma mémoire s'en va sous les pins où je dors. Les bergers de la lande appellent leurs troupeaux. Où sont ceux qui entendent la chanson des pipeaux? Les rues de mon village étaient blanches et dignes, et si elles menaient bien souvent au bistrot, c'est que ce qu'on buvait venait droit de la vigne. C'est qu'en ce temps le vin était meilleur que l'eau. Les bergers de la lande appellent leurs troupeaux. Où sont ceux qui entendent la chanson des pipeaux? Pour le 11 novembre, il y avait la musique qui allait faire un tour devant le monument. Mais on ne parlait pas de la bombe atomique, et j'aimais l'air sérieux qu'avaient les paysans. Les bergers de la lande appellent leurs troupeaux. Où sont ceux qui entendent la chanson des pipeaux? Et les fenêtres des maisons s'ouvrent sur la mer chaque matin. Ou dans les maquis, mais sur les chemins de l'exil, tu trouves toujours un ami. N'entendent plus, tous les oiseaux portent des chansons dans chaque porte, dans chaque rue. Jean Villard, je vous regarde et je trouve que vous avez changé d'abord cette moustache. Eh bien... C'est nouveau ? Bon, il y a déjà une bonne année, vous savez. Mais ça n'a pas grande importance pour nos moustaches ou pas. C'est une coquetterie ? Nous pouvons... Non, oui, c'est bon. C'est peut-être pour corriger. Je me suis lassé, enfin, de ce retrait de ma lèvre supérieure que j'avais. Et là, c'est pour corriger un peu ce retrait, peut-être. Vous savez, la lèvre supérieure qui est... Au lieu d'être de tomber de droite, si j'ose dire... Vous la camouflez. Alors, c'est la camouflée. Je n'avais pas remarqué, Marc. C'est amusant. Bon, on va revenir à des choses quand même plus sérieuses. Mais une moustache, c'est une chose sérieuse. Elle est portée par de très grands personnages. C'est vrai, d'ailleurs. Jean Villard, vous êtes un homme de gauche, et à un certain moment, vous n'avez plus voulu pactiser avec le pouvoir. C'est-à-dire... D'abord, je voudrais vous couper. Si vous voulez, je suis un homme de gauche. Oui. Bon, on coupe en deux, on dit la droite, ou plutôt en trois... on coupe en deux plutôt, on dit la gauche et la droite, et puis il y a un centre qui essaie de se faire. La vérité, il y a toujours le centre qui existe, et comme disait Joseph Prudhomme, la majorité des Français est toujours centre-gauche, n'est-ce pas ? Je crois que le mot de Joseph Prudhomme est exactement ceci, je suis né centre-gauche, et je crois que je mourrai centre-gauche comme tous les Français. Bon, alors, on ne parle plus de la mais gauche. Mais je ne suis pas centre-gauche. Non, mais disons je pas de la gauche, disons que... il y a forcément chez tout garçon, d'abord, dont les dispositions, même s'il ne connaît pas les dispositions dont il dispose, excusez-moi de ce mauvais français, pardonnez-moi ce très mauvais français. Il y a, donc, dans cet adolescent, s'il doit, alors qu'il ne sait pas, faire une carrière artistique, il y a une sensibilité qui est là, constante. Permanente, qui est parfois désordonnée, anarchique, et je crois qu'il faut qu'elle le soit. Et si possible, il ne s'agit pas de conserver ce sentiment anarchique toujours. Mais il arrive d'ailleurs qu'un jour, il est obligé de mettre en ordre ses propres sentiments. Sinon, c'est de la folie. Sinon, il ne fait que des sottises d'abord sur le plateau. Mais, d'autre part, dans ma vie, par la force des choses ou par mon goût personnel, j'ai été responsable de certaines entreprises. De dire, je ne m'intéresse pas aux choses de la société, donc à la politique, je ne m'intéresse pas aux choses de la cité, et me semble-t-il, non pas une faiblesse d'esprit, mais une lâcheté. Et c'est pas seulement avec le TNP que la vie sociale a pris pour moi une consistance permanente, a eu une présence quotidienne, elle l'a eu déjà avec les problèmes d'Avignon pendant 5 ans. Parce que, méridional, mais habitant Paris, artiste au fond, disons, de Paris, tout d'un coup, je projetais un certain travail loin de Paris. Disons que aller à Avignon en 1947 était un voyage beaucoup plus long que de nos jours. On y mettait 12 heures, on y met 6 heures et demie maintenant. Bon. Eh bien, il y a toutes ces choses qui font que tout d'un coup, vous êtes obligé de vous intéresser aux choses sociales. Et si vous voulez vous en débarrasser... Vous avez un sentiment de lâcheté. Bon. Ce qui ne veut pas dire que l'on s'inscrive à un parti. Jean Villard. La politique ne m'a jamais lâché. Pour les acteurs et pour les amis du théâtre, votre départ du TNP ressemblait à une trahison. Non, alors, il y aurait eu trahison si j'avais laissé ce théâtre dans un mauvais état. Si j'avais laissé mes camarades d'administration, des techniques, mes camarades comédiens, sans les avertir quand il le fallait. Non, j'ai peu à peu fait en sorte que ceux qui étaient au contrat, en tout cas les comédiens, prennent du champ depuis un an. Ce qui fait que, en ce qui concerne les comédiens, il n'y a pas eu rupture de contrat rapide par mon départ. En ce qui concernait les administratifs et en ce qui concernait les techniciens, ils avaient 6 mois devant eux. Bon, où en êtes-vous aujourd'hui, Jean Villard ? Eh bien, je crois que je m'interroge toujours. Comme vous le savez, pendant ces 5 ans, puisque j'ai quitté le TNP en septembre 63, j'ai continué à Avignon. J'ai permis avec mes camarades, avec les collaborateurs d'Avignon, et surtout M. Henri Dufaux, le maire d'Avignon, ce que nous appelons le grand virage, enfin le grand tournant du 20e festival, où nous avons changé les structures. Jean Villard, il va être bientôt 18h. Véritablement, je ne me suis pas aperçu du temps qui passait. La dernière question, et vous me répondez très très franchement et très directement, si on vous proposait d'être bientôt, dans un avenir plus ou moins proche, le nouveau Malraux. Pas du tout. Vous accepteriez ? Pas du tout. C'est-à-dire, je veux dire, un personnage officiel. Je ne vois pas ce qui vous pousser à me... Un autre Malraux, je veux dire, un autre Malraux. Mais il n'y en a qu'un. C'était Radioscopie de Jacques Chancel qui recevait sur France Inter le fondateur du Festival d'Avignon, Jean Villard. C'était le 22 novembre 1968 et aujourd'hui le Festival d'Avignon fête ses 70 ans. Une émission présentée et retravaillée par Stéphane Combe et demain à partir de 23h15, nous rediffuserons la radioscopie consacrée à la romancière Françoise Sagan.